Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 46. De la colère. Sa nature, son objet, son siège, son rapport avec la raison, elle n'égale pas la haine. Contre quels êtres elle s'élève? Il y a trois sortes de colère. 1. La colère est-elle une passion spéciale? La colère est une passion générale, si on la considère comme produite par le concours de plusieurs autres, car elle n'apparaît qu'à la suite d'une tristesse dont on a le désir et l'espoir de tirer vengeance. Mais elle n'est pas une passion générale qui produise elle-même d'autres passions. Il n'y a que l'amour qui soit une passion de ce genre. La colère est une passion particulière comme les autres. Note. Si la faculté irascible lui a emprunté son nom, ira, ce n'est pas que tous les mouvements de l'irascible soient des actes de colère, mais c'est qu'ils se terminent dans la colère, passion qui se produit au dehors avec plus d'éclat que les autres. Fin de la note. 2. La colère a-t-elle pour objet le bien ou le mal? Quiconque voudra considérer que tout homme qui se met en colère veut se venger de quelqu'un, n'aura pas de peine à concevoir que cette passion a deux termes, la vengeance qui se présente comme un bien, et l'adversaire qu'elle veut punir, parce qu'elle le regarde comme un objet nuisible, et partant comme un mal. La colère se rapporte ainsi à un objet qu'elle regarde comme un bien, et à un autre objet qu'elle envisage comme un mal, d'où il faut reconnaître qu'elle a tout à la fois pour objet un bien et un mal. Note. La colère, comme toutes les passions de l'homme, a sa source dans l'amour du bien et dans la crainte du mal. Elle est une passion, dit Bossuet, par laquelle nous nous efforçons de repousser avec violence celui qui nous fait du mal, ou de nous en venger. Fin de la note. 3. La colère est-elle dans le concupiscible? On sait que les passions du concupiscible se rapportent au bien et au mal absolu, tandis que celles de l'irascible ont pour objet le bien et le mal considérés comme difficiles. La colère, qui se rapporte à la vengeance qu'elle désire et à la personne dont elle cherche à se venger, suppose, à ce double point de vue, une certaine difficulté, car elle ne s'élève qu'autant que ces deux objets ont de l'importance et de la valeur. Elle appartient, conséquemment, à l'irascible, auquel elle a donné son nom, et non pas au concupiscible. 4. La colère existe-t-elle avec la raison? Le philosophe a dit, la colère, jusqu'à un certain point, est une suite de la raison. Nous avons vu, en effet, qu'elle contient le désir de la vengeance, qui implique la nécessité de mettre en rapport l'offense reçue et la peine à infliger. Le raisonnement a-t-il prouvé par ce rapprochement qu'il faut s'élever avec force contre l'auteur de l'outrage, la colère apparaît immédiatement. Comparer et conclure, qu'est-ce autre chose qu'un acte de la raison? Donc la colère existe d'une certaine manière avec la raison. Note. Sans doute elle ne l'écoute pas toujours, et la vengeance est trop souvent déréglée, mais que faut-il en conclure? Qu'il y a en elle tout à la fois un acte de la raison et un obstacle à l'exercice de cette faculté. On verra, en traitant de ses effets, qu'il n'est aucune passion qui, lorsqu'elle est portée à l'excès, écoute moins la raison. Fin de la note. 5. La colère est-elle plus naturelle que la concupiscence? Pour savoir si une passion est plus ou moins naturelle qu'une autre, il faut les examiner dans leurs causes objectives et subjectives. Envisagez-vous, dans leurs causes objectives, la colère et la concupiscence? L'avantage reste à la concupiscence, et surtout à celle des aliments et des plaisirs charnels, qui tiennent de plus près à la nature que la vengeance, objet de la colère. Considérez-vous ces deux passions dans leur cause subjective? La colère est, dans un sens, plus naturelle que la concupiscence, et, sous un autre rapport, la concupiscence est, au contraire, plus naturelle. En effet, du côté de la partie inférieure de notre être, la concupiscence l'emporte, car tout homme désire naturellement la conservation de son espèce et de son corps. Mais apprendre l'homme, en tant qu'homme, c'est-à-dire comme être raisonnable, la colère est plus naturelle que la concupiscence, parce qu'elle existe mieux avec la raison. En outre, pour certains tempéraments en particulier, la colère est beaucoup plus naturelle que la concupiscence. La bile est un fluide subtil qui s'enflamme plus vite que les autres humeurs. Note. Quand on a pris l'habitude de la colère, les plus petites causes suffisent pour la produire, l'âme est alors comme ces substances inflammables qui détonnent au plus léger contact. Cette passion est un tigre endormi, toujours prêt à s'élancer furieux et rugissant au moindre bruit à qui l'éveille, confère Luino. 6. La colère est-elle pire que la haine? Saint Augustin dit, la colère est un fétu, et la haine une poutre. La colère est, effectivement, moins grave que la haine. Ces deux passions désirent, il est vrai, le mal d'un adversaire, mais la haine veut absolument le mal d'un ennemi, au lieu que la colère voit dans ce mal un bien, et pense, en se vengeant, faire un acte de justice. Vouloir, au point de vue de la justice, le mal de quelqu'un, n'est pas aussi grave que le vouloir purement et simplement. Note. La haine est insatiable, comme le marque cette parole, si votre ennemi trouve occasion, il sera insatiable de votre sang. Ecclésiastique 12, 16. La colère sait compatir au mot qu'elle a fait, lorsqu'elle en aperçoit l'excès. Et, cependant, sous le rapport de l'intensité, elle exclut elle-même la pitié plus que la haine, tant ses mouvements sont impétueux. Il est écrit, la colère n'a point de miséricorde, elle éclate avec fureur. Qui pourra soutenir la violence d'un homme emporté? Proverbe 27, 4. La haine, à son tour, est plus inguérissable, la cause dont elle provient étant plus permanente, elle a pour source une disposition habituelle par laquelle un homme regarde son ennemi comme contraire et nuisible, tandis que la colère s'élève à l'occasion d'une injure transitoire. Fin de la note. 7. La colère ne s'exerce-t-elle que contre les êtres capables de justice et d'injustice? La colère, suivant ce qui précède, désire le mal d'un agresseur comme un moyen de juste vengeance, elle se rapporte, par conséquent, aux individus que concernent la justice et l'injustice. La vengeance, en effet, appartient à la justice, et les injures reviennent à l'injustice. C'est pourquoi, du côté de sa cause, qui est l'injustice, et du côté de la vengeance, qu'elle désire, elle a le même objet que la justice et l'injustice. Note. Si les animaux ont la colère, c'est que leur instinct naturel les porte à des actes qui ressemblent aux œuvres de la raison. Dans l'homme lui-même, elle peut provenir de l'imagination seule et s'élever contre des choses inanimées, mais, quand elle résulte de la raison, elle ne s'élève que contre les êtres capables de faire injure et de sentir la vengeance. Fin de la note. 8. A-t-on bien distingué les espèces de colère? Saint Jean Damascène a distingué avec raison trois espèces de colère, en se fondant sur les causes qui accroissent cette passion. La première cause de la colère étant la vivacité même de son mouvement, il nomme fiel la colère qui résulte de l'inflammation de la bile. La tristesse étant une autre cause de la colère en ce qu'elle maintient le souvenir des injures reçues, il appelle manie, mania, ou animosité la colère qui dure longtemps, manette. La vengeance qu'un homme irrité désire pouvant constituer une colère qui, jusqu'à ce que le coupable soit puni, ne laisse point de repos, il donne à celle-là le nom de fureur. Ces trois espèces de colère correspondent aux trois classes d'hommes qu'Aristote appelait les violents, les amers et les implacables. Note. Saint Grégoire, de son côté, distingue aussi trois espèces de colère, la colère silencieuse, qui est désignée, selon lui, par ces paroles du Sauveur, celui qui se fâche contre son frère, la colère accompagnée de la voix, mais sans articulation claire, marquée par ses autres, celui qui aura dit à son frère, rachat, et enfin la colère manifestée par des expressions bien articulées, comme dans cette phrase, celui qui aura dit à son frère, fou. On le voit, il caractérise la colère d'après ses effets, et non d'après ses différentes espèces. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.